Beep, beep, beep, beep. Salut Manu. Salut Titi! Mr. Titi! Ça va, Titi? Hop, hop, hop, tic, tac, tac, tac, snap, oh. C'est pas grave, mon petit. C'est des choses qui arrivent. Titi.